Alors, en introduction, des choses assez... On va commencer par le pire, du coup. Voilà, redire pour ceux qui ne sont pas forcément au courant que mardi, c'était le lancement du grand débat national, hein, entre guillemets, c'est comme ça qu'il se nomme, c'est-à-dire le lancement de la plateforme numérique qui doit permettre aux élus et aux citoyens qui le souhaitent d'organiser localement, à l'aide d'un kit d'accompagnement, des débats sur la fiscalité et les dépenses publiques, sur l'organisation de l'État et les services publics, sur la transition écologique, sur la démocratie et la citoyenneté, dont les effluves remonteront vers nos dirigeants. Voilà, c'est la proposition. Donc chacun a pu recevoir sa petite lettre de Macron. Donc ça, c'était mardi. Et même pas vraiment en réponse à ce lancement, mais en réponse à l'allocution très crispée de Macron, la première allocution dans laquelle il demandait aux citoyens et aux citoyennes d'aller dans les mairies pour porter leurs doléances et pour qu'elles remontent jusqu'à lui. Le groupe de Commercy, dans la Meuse, a fait un second appel pour inviter tous les acteurs de cette lutte, partout sur le territoire, à, d'une part, ne pas laisser accaparer le processus de recueil des doléances et des revendications, à se représenter eux-mêmes, je les cite, hein, sans tampon entre les puissants et le peuple, sans parti qui canalise des idées à leur seul profit, sans corps intermédiaire, davantage destiné à amortir les choses, à huiler le système plutôt qu'à nous défendre. Et troisième position du collectif de Commercy, à garder, donc ils invitent, hein, ils appellent, à garder collectivement la main sur les moyens d'expression du peuple, et pour cela, à créer partout des assemblées populaires pour porter nos revendications égalitaires, sociales et écologiques. Donc ce face-à-face, là, parce que l'appel de Commercy, c'est un appel aussi pour une assemblée d'assemblées qui va se tenir samedi, pas celui-ci, samedi en 8. On a évidemment un parti pris évident dans ce face-à-face. Et on voudrait ce soir le mettre en perspective avec ce qui s'est passé en 1848. Et en particulier avec l'exacerbation du conflit entre les tenants d'un côté de la République représentative, celle qui va être victorieuse, et les tenants de la République démocratique et sociale, dont on n'a jamais pu faire l'expérience, et qui promettaient aux uns et aux autres un rôle bien au-delà du vote et du choix périodique de ceux qui, parmi un petit échantillon, allaient gouverner. Donc pour ce soir, on a Samuel Hayat qui a accepté notre invitation à venir parler 1848. Il va le faire un exposé de 45 minutes. Et ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de nous mettre en petits groupes d'une dizaine de personnes et là d'avoir un échange de pensées, de points de vue sur un thème. Après, à la suite de ça, on refera un moment de plénière où les petits groupes feront un peu synthèse de ce qui s'est dit. Donc ces thèmes, on va les redonner bien sûr à l'issue de la présentation de Samuel Hayat, mais on les a choisis à la croisée de questionnements ou d'événements qui vont marquer 1848 et de questionnements et d'événements dont on fait actuellement une expérience intense. Donc il s'agit de la question de la représentativité, du rapport aux élections, aux élus. Deuxième thème, c'est la question des clubs et du tissage de liens entre les différents clubs. Le troisième, c'est la question du travail, qui inclut la critique du salariat, la question de la casse du droit du travail et la question du chômage. Le quatrième, c'est la question des manifestations. Et le cinquième, c'est la question des armes et de la violence côté répression. Voilà. Donc je laisse la parole à Samuel Hayat. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie de votre invitation, je suis très content d'être là. Je suis content d'être là parce qu'il y a cette occasion, qu'il y a ce mouvement qui revivifie et fait renaître des choses qu'on pensait ou que beaucoup pensaient être enfouies depuis longtemps ou pas avoir droit de citer. Je suis évidemment content d'être à l'invitation d'un club parce que vous le savez, Moi, je travaille sur la Révolution de 48 et vous le savez, les clubs, c'est vraiment une forme qui est super importante pendant la Révolution de 1848. Et donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu, de vous parler un peu de cette expérience des clubs de 48 et de l'expérience de 48 de manière un peu plus générale, à partir d'une question toute simple qui est que le moment qu'on est en train de vivre, tout comme le moment 48, tout comme toute une série de moments révolutionnaires, sont des moments où sont mis en question les fondements même de ce qu'on appelle, des mots qu'on utilise, de ce qu'on appelle nos institutions, et notamment de ce qu'on appelle, pour ce qui est de notre régime, de ce qu'on appelle la République. Et si vous dressez l'oreille, et je suis sûr que vous le faites sur ce qui se passe en ce moment, on voit que le mot de République, il n'arrête pas d'être utilisé, et il est utilisé notamment par les gouvernants en permanence comme un mot pour faire taire le mouvement. C'est-à-dire, on est en République, il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de protestation, ces violences, etc. Et surtout, on est en République, donc les seuls à pouvoir parler, c'est les représentants qui ont été élus de manière républicaine, etc. Et donc, la République est devenue une sorte de synonyme hein, de l'ordre social, un mot qui est utilisé pour rappeler les gens à l'ordre, pour les remettre à leur place, et en particulier pour leur dire arrêtez de participer, arrêtez d'aller dans la rue, arrêtez d'aller sur les ronds-points, arrêtez de discuter, laissez-nous faire, nous les représentants, nous le président de la République, on sait le faire, on sait le faire mieux que vous. Et quand on va vous écouter, ça va être selon les formes d'une consultation en gros monarchique de le roi est là, écoute, est-ce que vous avez des doléances, est-ce que vous avez des réponses à donner à mes questions, et puis après j'en ferai ce que je veux. Et c'est ça qui est devenu le sens, on va dire, le sens commun, le sens général de ce qu'on appelle la République. Or, c'est quand même fou parce que pour les personnes qui étaient là la dernière fois, vous l'avez certainement compris ou entendu, et puis par ailleurs vous le savez, l'événement fondateur de la République qui est la Révolution française 1789, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est des moments de participation populaire directe et intense. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on passe d'une situation où la République, c'est les gens dans la rue, les gens dans les sections, les gens dans les sociétés populaires, à une situation où la République, c'est rester chez vous et laisser le faire le président et répondre à ses questions quand il vous interroge. Et donc là, ce dont je vais vous parler très rapidement, c'est d'un épisode de ça, d'un épisode de comment on passe de cette conception de la République fondée sur le peuple et la participation à une conception de la République fondée, en gros, juste sur la monopolisation par les représentants du droit à agir politiquement. Et cette étape donc dont je vais vous parler, c'est la Révolution de 1848. Alors pourquoi la Révolution de 1848 ? Parce que d'abord c'est... Alors vous le savez, pourquoi est-ce que ça marche, hein, ce mot de République pour parler de l'ordre, etc. C'est beaucoup parce qu'il y a les élections. Et parce qu'il y a les élections au suffrage dit universel. Et 1848, c'est le moment où on a la première élection au suffrage dit universel, en fait, au suffrage universel masculin, mais c'est le premier moment où on a cette élection, alors, d'une assemblée constituante, en avril 1848, qui est un peu le moment clé, hein, quand on demande quand est-ce que c'est le suffrage universel, c'est cette première élection, etc. Et donc, évidemment, c'est un moment crucial pour l'histoire de la légitimation hein, électorale de la République et pour l'interprétation de la République fondée sur l'élection. Mais 48, c'est aussi et en même moment un moment de participation massive. De participation massive, alors là pour le coup, pas seulement des hommes, mais des hommes et des femmes, par toute une série de moyens sur lesquels je vais revenir un petit peu, mais par plein de manières, ils occupent la rue, ils occupent l'espace public, ils occupent les journaux, ils prennent la parole. Ils et elles prennent la parole. Donc c'est pour ça que 48 m'intéresse, parce que c'est le moment où on a à la fois le début du suffrage universel, dit universel, et puis le moment d'une participation directe, un peu échevelée, un peu folle, dans toute une série de dispositifs. C'est aussi un moment qui est important pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire des révolutions, etc., parce que c'est la dernière vraie révolution européenne. C'est-à-dire qu'en 1948, alors on ne sait pas où ça commence, en fait, peut-être ça commence en Italie, peut-être ça commence ailleurs, mais disons, l'insurrection à Paris, le 24 février 1948, elle a vraiment un rôle déclencheur, et toute l'Europe s'embrase. En gros, il n'y a que l'Angleterre, mais qui à ce moment-là est en train de connaître un grand mouvement de masse de son côté, qui est le chartisme. Mais toute l'Europe s'embrase et toute l'Europe entre en révolution. Et c'est un moment de contamination extraordinaire, hein, en quelques semaines, les événements parisiens qui sont repris partout par des personnes qui décident du coup d'occuper la rue et de se dire ça y est, le moment est bon, le moment est là. Et c'est un moment où, donc révolution européenne, c'est pas le seul aspect international, c'est aussi, ça c'est quelque chose qui reste malgré les échecs dont je vais vous parler, mais qui est l'abolition de l'esclavage. Hein. Vous savez qu'il y a déjà eu une première abolition au moment, en France, au moment de la Révolution française, des révolutions françaises et haïtiennes, qui sont deux révolutions parallèles qui ont lieu au début des années 1790. Bon. Abolition de l'esclavage à nouveau en 1848, et cette fois-ci hein, de manière définitive. Et malgré cette importance, c'est quand même une révolution qui est assez oubliée. Peut-être ça vaut la peine juste que je vous dise en gros les événements en quatre dates de qu'est-ce qui se passe en 1948. Le 24 février 1948, une insurrection a lieu. On est à ce moment-là dans une monarchie dite libérale. Hein, c'est Louis-Philippe qui est roi et François Guizot qui est un grand penseur libéral qui est chef du gouvernement. Une insurrection a lieu, renverse le pouvoir, personne s'y attendait, la République est proclamée, les gens restent en armes dans la rue et proclament la République, etc. Bon. Deux mois après, beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut des élections ou pas des élections, comment, etc., une assemblée est élue au suffrage dit universel, au suffrage universel masculin, le 24 avril 1948. Donc deux mois après, une élection. Cette assemblée est élue. C'est une assemblée composée de personnes, certains déjà connus en politique, d'autres des nouveaux venus. En tout cas, une assemblée qui a l'air plutôt modérée et en tout cas pas du tout ni monarchiste, ni complètement révolutionnaire. Et en juin 1848, face au fait que l'assemblée commence à légiférer contre le peuple et notamment à revenir sur toute une série de conquêtes sociales du peuple qu'il avait fait le 24 février 1848, le peuple parisien se soulève, en grande partie le peuple des artisans et des ouvriers parisiens se soulève, et ça donne lieu à la plus grande répression, en tout cas, à part la Commune, c'est le moment où a lieu le plus grand massacre en juin 1948, c'est plus que la Saint-Barthélemy, des milliers d'ouvriers sont massacrés dans les rues parisiennes. Par donc la première assemblée républicaine élue au suffrage dit universel. Les ouvriers sont massacrés par milliers, grosse vague réactionnaire, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et nouvelle constitution, etc. Première élection en décembre 1848 d'un président de la République au suffrage dit universel direct, c'est la première de l'histoire mondiale, et est élu triomphalement Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, qui, trois mois après, rétablit l'Empire. Donc vous comprenez pourquoi la Révolution, elle est oubliée. Parce qu'elle est très problématique pour la République et pour l'idée de le suffrage dit universel, c'est toujours bien, etc. Parce que la première assemblée au suffrage dit universel, ce qu'elle fait deux mois après, c'est de massacrer les ouvriers comme ça n'avait jamais eu lieu dans les rues parisiennes jusque-là. Et la République, en décembre, première élection au suffrage dit universel d'un président, qui c'est qui est élu ? Un futur dictateur. Et donc, c'est quelque chose qui marque, qui est une révolution qui est impossible à s'en souvenir, parce qu'elle a des aspects qui ne rentrent pas dans le récit républicain. Et d'ailleurs, vous verrez, à l'école, on parle très très peu de la Révolution de 1948. Les bâtiments, si vous voyez des bâtiments où il y a des références à 1948, comme le Monument à la République, Place de la République à Paris, on ne parle jamais de ces événements-là, on parle juste du décret du suffrage universel, mais tout le reste est quelque chose qui est complètement une sorte de refoulé complet de l'histoire du pays, de l'histoire du pays en métropole et à Paris, mais aussi de l'histoire coloniale, puisque vous savez que 1948 est un moment important dans la mainmise de la France sur l'Algérie, c'est la fin de la rébellion, et ces éléments ne sont pas sans lien, puisque lorsqu'on veut réprimer le mouvement ouvrier en juin 1948, à qui on donne les pleins pouvoirs ? À quelqu'un qui s'appelle le général Cavagnac, et qui vient de servir pendant 10 ans en Algérie, et qui en gros, c'est testé à la répression sur les indigènes qu'il fallait mater et qui réutilise les mêmes méthodes que celles qu'il avait utilisées en Algérie contre la population parisienne et contre les ouvriers parisiens. Donc vous voyez qu'on est dans un moment qui est important, et qui est un refoulé. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que nous, ça peut nous intéresser, après tout, à part pour juste, ce qui est déjà beaucoup de choses, pour déconstruire la République ? C'est qu'en fait, en 1848, il y a aussi l'espoir d'une autre République, de quelque chose qui serait différent, d'un autre sens au mot République, et qui s'appelle, qui prend le nom alors, de République démocratique et sociale, et qui repose sur des choses complètement différentes, qui repose sur l'idée que la République, ça n'est pas seulement élire une assemblée ou des gens tous les X années, la République démocratique et sociale, ça veut dire la participation collective et permanente de tout le peuple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de représentants, mais ils sont sous contrôle du peuple, et le peuple agit aussi directement, et c'est une République sociale, c'est-à-dire une République où doit disparaître l'exploitation de l'homme par l'homme, comme on dit à ce moment-là, c'est-à-dire où le règne du capitalisme qui est en train de naître, ou le règne du contrat d'un employeur à un salarié, que le règne du salariat, doit être remplacé par l'association entre travailleurs. Et moi, ce qui m'a intéressé donc, dans cette révolution, et pourquoi j'ai envie d'en parler et de vous en parler, c'est qu'il y a cette autre chose-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment le rouleau compresseur de la République qui s'est imposé, de la République tricolore, si vous voulez, qui s'impose en 48, mais on a aussi autre chose, l'espoir de quelque chose d'autre, qui est la République démocratique et sociale. Donc, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails de toute l'histoire, mais juste pour, au-delà de ce tableau à grands traits, de vous donner juste quelques éléments pour comprendre, aussi pour comprendre stratégiquement, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de situation, et comment est-ce que ces différents sens de la République se construisent, s'opposent, et qui le fait. Alors, je vous l'ai dit, ça commence cette histoire avec une insurrection, le 24 février 1848, une insurrection d'abord parisienne, qui met à bas un régime. Mais les gens ne désarment pas. Au contraire, après avoir renversé le pouvoir, les Parisiens et massivement les ouvriers parisiens, puisque c'est vraiment une insurrection à fort caractère ouvrier, les ouvriers parisiens restent dans la rue parce qu'ils ont peur qu'il se passe la même chose qu'en 1830. Parce qu'en 1830, il y avait déjà une révolution. En 1830, c'était à ce moment-là le régime qu'on appelle la Restauration, c'était la monarchie légitime restaurée. Et il y avait déjà eu une révolution majoritairement ouvrière à Paris en juillet 1830. Sauf que les ouvriers, après avoir renversé le roi, étaient rentrés chez eux. Et qu'un autre roi a été nommé à la place, mais d'une autre branche des Bourbons, le roi Philippe d'Orléans, qui va devenir Louis-Philippe. Et donc cette fois-ci, les ouvriers ne veulent pas se faire escamoter la Révolution, comme ils disent. Ils restent à Paris et surtout, pour eux, la Révolution, la République, justement, ça n'est pas juste le suffrage universel, c'est aussi quelque chose qui juge très important, qui est le droit au travail. Qu'est-ce que c'est le droit au travail ? C'est l'idée que toute personne doit pouvoir vivre en travaillant, toute personne doit pouvoir avoir un emploi, et si la société telle qu'elle est organisée ne fournit pas d'emploi, eh ben, il faut lui fournir, c'est à l'État de lui fournir un emploi, ou bien il faut lui fournir au minimum un secours. Et donc le 25 février, le lendemain de la Révolution, le 24, il y a un gouvernement provisoire qui est nommé, avec toute une série d'anciens députés, mais aussi un socialiste, Louis Blanc, c'est la première fois, un théoricien socialiste, et un ouvrier, grande première fois, un ouvrier qui était membre des sociétés secrètes, qui s'appelle Albert, et c'est son nom son pseudonyme révolutionnaire, disons. Il y a un gouvernement provisoire, et le peuple impose au gouvernement provisoire, le peuple en armes parisien impose au gouvernement provisoire, le droit au travail. Et évidemment, c'est quelque chose de très important pour eux à ce moment-là, parce qu'il y a près de 40% de chômeurs à Paris. C'est-à-dire qu'énormément d'ouvriers, 40%, sont sans travail. Ils imposent le droit au travail, et donc il y a un décret qui est passé qui dit l'État s'engage à garantir le travail à tout le monde, et va pour cela favoriser, puisqu'il s'agit là encore de changer, de sortir du salariat, va favoriser l'association ouvrière comme moyen de donner à tous. Ça, c'est dans le décret du 25. Malgré ça, les ouvriers ne désarment pas en disant « c'est très bien un décret, mais comment on va l'appliquer ? On veut un ministère du travail. » Alors nous, ça nous semble normal, un ministère du Travail au début, maintenant, mais à l'époque, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Le gouvernement dit non, et à la place, il nomme une commission qui va s'appeler la Commission du Luxembourg. Pourquoi ? Parce qu'elle siège à l'actuel Sénat, hein, elle siège au Palais du Luxembourg, l'ancienne Chambre des Pairs, et en fait, ce n'est pas une commission, ça devient un parlement élu, un parlement des travailleurs. C'est quelque chose de totalement nouveau, mais cette commission, elle est créée par le gouvernement pour se débarrasser des ouvriers. Les ouvriers disent qu'à cela ne tienne, on accepte de participer à cette commission, mais on va nommer les nôtres, donc 3 personnes par métier sont élues et sont envoyées siéger. Et la première chose que font ces délégués quand ils arrivent à la commission du Luxembourg, c'est qu'ils disent qu'il n'est pas question qu'on reste tranquillement à travailler, on appelle à la grève tant que nos revendications ne sont pas entendues, et notamment la limitation du temps de travail à 11 heures par jour. Alors, vous vous rendez compte ? Bon, mais c'est la première fois, il n'y avait pas de limitation du temps de travail. Et ça leur est accordé, et là, ils commencent à travailler, et ils s'instituent en sorte de, tribunal de résolution des conflits du travail, et d'incitation aux associations ouvrières. Ils mettent beaucoup d'argent, ils réussissent à détourner une partie de l'argent de l'État pour financer des associations ouvrières, c'est-à-dire hein, des associations où les gens travaillent sans patron, élisent leurs responsables et se payent tous à égalité. Et notamment, la prison de Clichy, qui était une prison des emprisonnés pour dette, est transformée en gigantesque atelier où démocratiquement des travailleurs du textile font notamment tous les uniformes de la garde nationale. Parce que le peuple ne participe pas seulement là, dans la rue du 24 au 28. Une fois qu'ils ont obtenu ça, ils ne s'arrêtent pas, ils au contraire continuent. Et comment est-ce qu'ils continuent ? De deux manières. Premièrement, ils investissent massivement la garde nationale. Qu'est-ce que c'est la garde nationale ? C'était une sorte de milice bourgeoise qui était relativement assez démocratique, c'est-à-dire qui s'auto-gouvernait, qui faisait régner l'ordre à Paris, qui maintenait l'ordre à Paris. Il y avait aussi une police, hein, la municipale, mais il était normal quand on était un citoyen propriétaire qu'on défende soi-même sa propriété et qu'on participe à la garde nationale. Une des choses que fait le gouvernement provisoire dès le 24, c'est qu'il dit tous les citoyens peuvent rentrer dans la garde nationale, ce qui était une longue revendication des ouvriers. Et donc tous les ouvriers parisiens qui jusque-là étaient exclus, à la fois qui n'avaient pas le droit de vote mais qui n'avaient pas non plus le droit de porter des armes, ils se retrouvent tous armés et rentrent tous dans la garde nationale. Et ils vont participer au maintien de l'ordre, ils font partir la police de Paris, les militaires, toute l'armée est interdite de rentrer dans Paris, la police et l'armée sont éliminées, il y a la garde nationale démocratisée qui prend le pouvoir, c'est un bien grand mot, non, qui simplement maintient l'ordre à Paris. Et on dit d'ailleurs hein, qu'ils ont beaucoup mieux maintenu l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de débordements en tout genre que pendant cette période, mais c'est encore une autre question. Et donc, vous le voyez, on est à un moment où il y a à la fois deux types de citoyenneté qui se constituent, parce que d'un côté, on a ça, une sorte de citoyenneté très participative au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'on a des citoyens qui sont en armes et qui sont dans la rue. On a toute une série de clubs qui s'ouvrent et dans lesquels les hommes et les femmes participent massivement. Alors, il ne faut pas non plus se tromper, c'est quand même, on reste dans un système où le patriarcat est extrêmement puissant et où donc, par exemple, il y a plein de clubs où les femmes ont le droit d'assister, mais elles n'ont pas le droit de parler. Un peu comme sous la Révolution française, je ne sais pas si vous en avez parlé avec Vaniche la dernière fois, mais il y a beaucoup ça quand même dans les sociétés populaires, que bon, elles peuvent assister, mais elles ne peuvent pas parler. Mais d'ailleurs, les femmes disent qu'à cela ne tienne et elles créent des clubs de femmes. Je vais revenir un peu là-dessus, peut-être tout à l'heure. Donc, on a une citoyenneté participative, avec la création de centaines de journaux et de clubs, avec aussi la résurgence des sociétés de travailleurs, hein, de ce qu'on appelle des corporations, des corps d'État qui se remettent à négocier, alors que vous le savez, c'était illégal en France depuis la loi Le Chapelier de 1791. Les ouvriers n'ont pas le droit de se rassembler, n'ont pas le droit de faire d'associations. Là, il y a des associations d'ouvriers qui se recréent, etc. Donc ça, c'est une première forme de citoyenneté. Mais il y en a une autre en même temps, tout de suite, qui se met en place. C'est une citoyenneté représentative, une citoyenneté où, en gros, la seule question, c'est il faut élire des gens. Et notamment, il faut élire une assemblée. Et c'est une obsession de la majorité conservatrice, disons, du gouvernement provisoire, de dire nous on est juste là pour assurer la transition, il faut des élections le plus vite possible. Et évidemment ces deux conceptions-là de la citoyenneté, ces deux conceptions-là de ce que c'est que être citoyen en République, elles s'opposent très très vite et elles vont s'opposer par toute une série d'événements au printemps 1848. Et donc vous l'avez compris, elles vont s'opposer autour de deux questions centrales. Hein, qui dirige dans une République ? Est-ce que c'est des représentants élus ou est-ce que c'est le peuple ? Ça veut dire que même s'il y a des représentants élus, est-ce que ces représentants sont les chefs ou sont les serviteurs des citoyens ? Et deuxième question, est-ce qu'une République, c'est juste le suffrage universel ? Ou bien est-ce que c'est le suffrage universel, mais aussi l'égalité économique, l'émancipation, l'association des travailleurs venant remplacer la règle de l'employeur. Et ces deux conceptions-là de la République, très vite, je vous l'ai dit, hein, ça devient la République modérée, la République tricolore, et de l'autre côté, la République rouge, hein, la République démocratique et sociale. Pourquoi tricolore et rouge ? Parce qu'il se pose dès le 25 février, le lendemain de la Révolution, la question de c'est quoi notre drapeau ? C'est quoi le drapeau français ? Est-ce qu'on va garder le drapeau tricolore, qui est le drapeau du régime précédent ? Qui est le drapeau de la monarchie de juillet ? Ou est-ce qu'on va prendre le drapeau qui était présent sur toutes les insurrections des années 1830 et 1840, qui était le drapeau rouge ? Et il y a un discours célèbre de Lamartine, qui est le chef du gouvernement provisoire, qui est un très bon poète, fort de sa célébrité, prend une position politique comme ça, et qui fait un grand discours en faveur du drapeau tricolore. Le drapeau rouge est abandonné. Sur le moment, on n'y voit pas beaucoup d'importance, mais ça donne vraiment à voir deux républiques, la République tricolore et la République rouge. Comment s'organise cette République rouge ? La République tricolore, on sait comment elle s'organise. Hein ? Elle s'organise en faisant des élections, et une fois que l'Assemblée est élue, ils font revenir l'armée à Paris sous couvert de fraternité, de dire voilà, on va refraterniser, ils font revenir l'armée à Paris. Ils dissolvent toute une série d'institutions révolutionnaires, ils dissolvent la commission du Luxembourg, donc le Parlement des travailleurs, et peu à peu, ils reprennent le contrôle. Comment s'organise la République rouge ? Elle s'organise en grande partie par des clubs. Qu'est-ce que c'est des clubs ? Ben, c'est des lieux où les gens se retrouvent, discutent. Il y en a de plein de sortes différentes. Il y a des clubs où on ne pourrait pas du tout avoir ce qui est en train de se passer, à savoir il ne peut pas y avoir un orateur qui vient et qui discute. Mais il y a aussi des clubs comme ça. Il y a des clubs où c'est une personnalité. Souvent, c'est des socialistes, des théoristes. Socialistes, à l'époque, ça ne veut pas dire comme aujourd'hui. Hein, ça veut dire des utopistes, des gens qui réfléchissent à la réforme sociale, à ce que pourrait être un monde qui ne fonctionne pas sur le règne de la compétition. Donc il y a des clubs de plein de sortes différentes. Il y a des clubs, je vous l'ai dit, qui sont très classiques et patriarcaux, et il y a des clubs où il y a des femmes, et il y a des clubs de femmes. Hein, c'est quelque chose d'important. En 48, il y a l'apparition vraiment, alors pas juste d'un mouvement féministe, parce qu'en fait, un mouvement féministe, il y en avait déjà eu un, notamment dans les années 1830. Il y a un fort mouvement féministe qui s'organise en marge du mouvement saint-simonien, hein, c'est vraiment les débuts du socialisme. Mais là, il y a un mouvement féministe très fort en 1848, avec notamment un journal qui est créé qui s'appelle La Voix des Femmes, un club qui s'appelle le Club de la Voix des Femmes, et qui va se doter d'un programme à la fois révolutionnaire socialiste et féministe contrer l'exclusion dont les femmes sont l'objet par la République naissante. Donc, toute une série de clubs, mais qui ne restent pas isolés, simplement à discuter dans leur coin. Très rapidement, les clubs se disent, pour influencer sur les événements, il faut se fédérer. Et donc se créent des tentatives, notamment sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Auguste Blanqui, qui est un républicain radical, disons, qui vient de passer 10 ans en prison parce qu'il avait tenté une insurrection en 1839. Il sort de prison, il organise un club, la Société Républicaine Centrale, et il se met dans ce travail de fédération des clubs. Et à côté, il y a Barbès, qui a lui aussi participé en 1839, mais qui est pas très... Ils sont fâchés avec Blanqui, donc qui crée son club et sa propre fédération de clubs. Mais il y a l'idée de fédération, fédérons les clubs pour peser. Alors, je vous dis que les clubs se divisent et il y a différentes fédérations, mais il y a quand même une unité d'action dans la rue, puisque pour peser, ce que font les clubs aussi, ces différentes fédérations de clubs, c'est d'appeler à des manifestations. C'est vraiment le moment où on a les premières manifestations de masse en dehors de situations insurrectionnelles, et notamment le 17 mars, donc un mois à peu près après la Révolution, il y a 200 000 personnes dans les rues parisiennes qui défilent pacifiquement. On n'avait jamais vu ça, c'est une démonstration de force extraordinaire, qui est permise par le fait que les clubs se sont alliés avec les ouvriers à ce moment-là pour venir dans Paris et pour demander quoi ? Pour demander le report des élections. Parce qu'ils ont l'idée que s'il y a des élections, c'est sûr que c'est des conservateurs qui vont être élus. On ne veut pas des élections, on veut d'abord révolutionner, républicaniser le pays, et ensuite on pourra avoir des élections. Mais leur idée, qui s'avère juste, c'est de dire que ça fait 50 ans que les seuls à pouvoir parler au peuple, c'est la bourgeoisie. Il faut nous laisser au moins quelques mois pour diffuser nos idées, qui étaient interdites jusqu'à il y a quelques jours. Donc 17 mars, manifestation, qui réussit à repousser les élections, mais que de quelques semaines. Une autre manifestation est faite le 15 mai en faveur de la solidarité avec la Pologne, puisque la Pologne s'est rebellée, s'est soulevée et fait l'objet d'une répression. Donc ils organisent des manifestations. Cette manifestation du 15 mai, ils vont quand même jusqu'à envahir l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils vont pour présenter une pétition en disant « c'est un droit, dans une république, on a le droit de présenter une pétition ». Et on les laisse passer en disant « ok, mais vous rentrez à 10 » et le peuple entier rentre dans l'Assemblée nationale pour porter, enfin les manifestants, hein, je veux dire, quand je dis pas le peuple entier, les plein de gens rentrent, les manifestants rentrent pour lire leur pétition. Je passe les détails, mais en gros, les députés disent c'est un crime de lèse-majesté, c'est honteux, etc. Font battre le rappel, c'est-à-dire rappellent la garde nationale et l'armée, qui délogent les manifestants. Et ça va être le début de la répression qui va commencer à ce moment-là. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus. Mais donc, qu'est-ce que fait la République rouge ? Elle se fédère, elle organise des manifestations de rue massives. Elle envoie aussi des délégués dans tout le pays, avec l'idée que ça ne peut pas être juste une révolution parisienne. Il faut que des clubs se créent partout et que ça soit à partir de ces clubs que se constitue, que se révolutionne la société tout entière par en bas. Et voilà, ils font apparaître toute une série de nouvelles revendications, etc. Mais il y a toute une série de problèmes. Les clubs vont échouer assez vite. J'en dis juste quelques mots de pourquoi. Premièrement, ils ne se coordonnent pas assez avec le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les clubs qui se fédèrent, qui font des actions, qui discutent beaucoup, qui développent des idées très intéressantes. Mais les ouvriers restent organisés entre eux, dans des corps d'État, et du coup, parfois, comme le 17 mars, ils réussissent à agir ensemble, et puis parfois, ils n'agissent pas du tout de la même manière, et notamment, les ouvriers organisent une grande manifestation le 16 avril, en faveur du droit au travail, et pour demander encore plus de réformes sociales, et les clubistes refusent de se joindre, en se disant que c'est une tentative de coup d'État, mais parce que juste, ils ne les connaissent pas, ils ne les savent pas, ce n'est pas les mêmes mondes. Donc ça, c'est un gros problème qui aboutit à des gros problèmes de coordination divisent le mouvement de la République rouge. Deuxième problème, peut-être, très rapidement, quand les clubs voient qu'ils ne peuvent pas annuler les élections, ils décident d'y participer, alors pas en présentant des candidats, mais presque en auditionnant les différents candidats, et donc les gens doivent venir et se présenter, présenter leur programme. Ils passent beaucoup de temps, alors qu'on est... vraiment, dans le moment révolutionnaire, ils passent beaucoup de temps à écouter les candidats au poste de député et à décider, ok, on fait la liste du club, alors il faut choisir 34 personnes parce que c'est un scrutin de liste, donc il faut trouver 34 noms sur lesquels tout le monde va se mettre d'accord. Ils passent un temps fou à s'occuper de questions électorales. Et évidemment, ils échouent complètement. Parce que, tout simplement, il n'y a pas le temps pour faire face aux puissances électorales énorme de la bourgeoisie. Ils n'ont pas le temps de réussir à vraiment faire campagne, mais ils ne savent pas, ils se disent, si c'est les candidatures des clubs, les gens ils vont bien voter pour eux. En réalité, ils échouent complètement aux élections et ils ont perdu énormément de temps, ils passent vraiment un mois à s'occuper que d'élections, dans une situation où en fait ils ne s'en rendent pas compte, mais ils n'avaient aucune chance de faire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et évidemment, L'autre chose qui fait qu'ils échouent, c'est la répression. Alors, il y a la répression officielle et il y a la répression officieuse. La répression officielle, c'est que, notamment suite à la manifestation du 15 mai, hein, quand je vous dis ils rentrent dans l'Assemblée nationale, suite à ça, surtout qu'il y a un des chefs clubistes qui dit « Bon, ça suffit, l'Assemblée nationale est dissoute, on fait un nouveau gouvernement provisoire. » Et ça, évidemment, le gouvernement saute sur l'occasion et arrête toute une série de clubs et ferme la moitié des clubs. Arrête toute une série de chefs clubistes, tous ceux qui ont en gros appelé à la manifestation, et ils ferment toute une série de clubs. Ça, c'est la répression officielle. Et ensuite, évidemment, je vous l'ai dit, le massacre de l'insurrection de juin, un mois plus tard, en juin. Et puis après, il y a la répression officieuse. C'est tout, on va dire, les nervis, c'est-à-dire tous les bourgeois mécontents qui profitent de chaque reflux, et par exemple de la manifestation du 16 avril, la manifestation ratée où les ouvriers et les clubistes ne se mettent pas d'accord. Ils organisent des battues dans tout Paris, ils vont au domicile des chefs socialistes, des clubistes, etc., en criant « à bas les communistes », et ils cassent tout. Et donc on a une sorte de mélange entre ce qu'aujourd'hui on appellerait des nervis d'extrême droite, quoi, qui viennent et qui viennent réprimer le mouvement officieusement, et puis la répression officielle, celle de l'État, de l'armée et de la police. Donc je vous l'ai dit, la résolution de tout ça, elle est tragique, puisque suite à l'invasion de l'Assemblée le 15 mai, la législation devient très répressive, toute une série de clubs sont fermés. Alors ça n'arrête pas l'agitation, du coup les gens sont encore plus dans la rue, au lieu d'être dans les clubs puisqu'ils ont été fermés, ils se retrouvent dans la rue. Ça fait assez peur et il y a un mouvement, en gros pour le dire vite, de radicalisation. C'est-à-dire qu'après le 15 mai, quand les gens se rendent compte que leur droit à s'assembler dans des clubs, à prendre la parole, à participer directement, est en train d'être mis en cause par l'Assemblée nouvelle, il y a un mouvement de radicalisation qui les amène à dire, en fait, cette Assemblée-là n'est pas vraiment républicaine. Ce n'est pas ça la vraie République. La vraie République, c'est comme je le disais au début de mon propos, c'est la République démocratique et sociale. Et la République démocratique et sociale, c'est le contraire de ce qui est en train d'être fait. Et donc, ce que disent les gens dans la rue, c'est on est dupé. Et il y a toute une série de nouveaux journaux qui se créent, de nouveaux clubs qui essayent de se créer, ou de, pas vraiment des clubs, mais des nouveaux points de rassemblement. Ils se retrouvent dans la rue, sur des carrefours, et où, clairement, les discours sont beaucoup plus radicaux qu'ils ne l'étaient dans les clubs. Et tout le monde se met à voir venir l'affrontement final entre les manifestants et l'Assemblée. Résultat de tout ça, c'est plusieurs choses. Premièrement, dans cette radicalisation, les gens se disent, bon, alors, quand je dis radicalisation, c'est peut-être pas le bon terme, mais conscientisation. Se disent, alors, si avec les élections, on ne peut pas arriver au pouvoir, si avec les élections, on ne peut pas avoir de vraie république, comment la faire? Et la solution qui se met à être inventé par notamment les ouvriers parisiens qui se retrouvent dans les rues à ce moment-là, c'est de dire, en fait, il faut qu'on s'associe entre nous, en dehors de l'État, parce qu'au final, c'est nous les travailleurs, c'est nous les producteurs, l'État a besoin de nous, et pas le contraire. Et donc, si on s'associe de manière autonome et que tous les travailleurs s'associent, de proche en proche, ben, l'État, il va perdre sa substance, il va servir à rien, il va rien vouloir dire. Et ça, c'est une idée évidemment qui est très forte parce que qui amène à dire qu'il y a une politique en dehors de l'État, en dehors de la politique de la République, et que cette politique, elle repose sur l'association autonome des travailleurs pour, non pas pour être dans son coin, mais pour progressivement constituer un contre-État, constituer autre chose, constituer quelque chose qui va pouvoir remplacer l'État tel qu'il existe. Donc cette idée-là commence à se répandre. Il y a la multiplication de journaux rouges qui développent cette idée. Mais à côté, l'Assemblée ne reste pas sans rien faire. Parce que je vous l'ai dit, le 25 février 1848, les ouvriers ont obtenu le droit au travail. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là le droit au travail? Ça veut dire que sont créés des ateliers nationaux qui sont en fait juste des ateliers de charité. Il n'y a rien de socialiste là-dedans, mais des ateliers nationaux où les ouvriers sans travail se voient donner une rémunération très minime contre un travail qui ne veut pas dire grand-chose. Mais résultat, ça veut dire qu'il y a, pour vous donner une idée, il y a dans les ateliers nationaux 120 000, quand on arrive en mai-juin, il y a 120 000 ouvriers dans les ateliers nationaux. C'est un tiers de la population ouvrière parisienne. Et l'Assemblée nationale se dit, face à ces ouvriers qui sont en train de se radicaliser, on est en train de payer les personnes qui vont nous chasser du pouvoir. Et donc, il faut se débarrasser de ces ouvriers. Comment faire? Il faut dissoudre les assemblées nationaux. Il faut dissoudre les ateliers nationaux. Et non seulement il faut dissoudre les ateliers nationaux, mais il faut que les ouvriers qui n'ont pas de travail soient emmenés hors de Paris. Et donc, le choix qui est fait par l'Assemblée nationale, c'est de dire, un, on dissout les ateliers nationaux, et deux, les ouvriers sans travail doivent quitter Paris immédiatement ou être enrôlés de force dans l'armée. Face à ça, les ouvriers parisiens disent, c'est exactement ce qu'on redoutait, cette Assemblée n'est pas réellement la République, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent restaurer un ordre bourgeois, et donc il y a le soulèvement de juin 48 qui finit, comme je vous le disais, alors des barricades qui se montent dans tout Paris. Cavagnac, revenu d'Algérie quelques semaines auparavant, est nommé, l'Assemblée lui donne les pleins pouvoirs, et il décide de laisser grossir l'insurrection, de laisser grossir les barricades, de absolument refuser toute solution de négociation ou de quoi que ce soit, et une fois que les barricades sont bien grossies et que les gens sont massivement sur les barricades, il attaque au canon. Et je vous dis, ça a fait des milliers de morts, et ça ouvre une voie réactionnaire dans une Europe, je vous ai dit, l'Europe est en révolution, mais là, elle est en train de passer de l'autre côté, la réaction, la répression partout où les peuples s'étaient soulevés, on a une vague de répression qui s'abat. Une constitution est votée par l'Assemblée constituante en novembre 48. Cette constitution ne laisse aucune place à la participation du peuple, elle repose entièrement sur l'élection, et notamment elle donne énormément de pouvoir à un président de la République, ce qui n'avait pas existé sous la Première République, mais l'idée, il faut un homme fort, et cet homme fort qui est élu, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui, quelques années après, tout simplement se débarrasse de la République. Voilà, je vais peut-être m'arrêter. Donc, vous voyez l'idée de tout ça, c'est que après 48, autant en 48, on ne savait pas encore la République de quel côté ça va basculer. Et on a vraiment deux conceptions de ce qu'est la République qui se montrent, la République modérée et la République démocratique et sociale. En juin 48, clairement, c'est la République modérée qui gagne. Ce qu'on appelle aujourd'hui République, c'est, et on le vit bien en ce moment, ce qui est en train de se passer, cette espèce d'utilisation du mot République pour faire taire le mouvement, la République, c'est devenu synonyme de le pouvoir des gens qu'on a élus. Mais ça ne voulait pas du tout seulement dire ça. Ça voulait dire ça en 48 pour des gens, mais la République, pour d'autres personnes, c'était la République démocratique et sociale, et ça voulait dire l'émancipation politique et sociale des travailleurs. De tout le monde. Concrètement, la République démocratique et sociale, elle ne disparaît pas entièrement. Elle est étouffée, elle est invisibilisée. Mais en fait, elle continue. Et elle va continuer où? Elle va continuer dans ce qu'on va appeler le mouvement social. C'est-à-dire que après juin 48, ça devient très clair pour les ouvriers qui ont vécu la répression et aussi pour les femmes, parce que c'est les femmes qui sont premières touchées. Par exemple, je ne vous fais pas le détail de toutes les mesures, mais une des premières mesures qui est prise après juin 48, c'est d'interdire aux femmes de rentrer dans un club. Les clubs sont interdits, y compris juste pour être dans le public, à toutes les femmes. Bref, continue dans le mouvement social l'idée de République démocratique et sociale, dans les associations ouvrières, dans cette idée que je vous disais de si on s'associe et qu'on réussit à être suffisamment fort, on n'a pas besoin de l'État et l'État va s'amenuiser. Et donc il y a toute une série de projets d'associations, et notamment l'Union des associations, qui est un projet de Jeanne Derouin, qui était une militante féministe et ouvrière, qui devient une des de Jeanne Derouin et Pauline Roland, qui sont qui deviennent des chefs, de fait, des chefs du mouvement ouvrier à ce moment-là, et qui immédiatement sont attaqués en justice. Et donc commence une sorte d'histoire souterraine de la République démocratique et sociale, dont vous connaissez des résurgences, et notamment la Commune de Paris en 1871, qui est une sorte de résurgence de cette République démocratique et sociale qui avait été étouffée. Mais en fait, qui a été étouffée, mais qui ne disparaît pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une énième, alors toujours sous des formes différentes, il n'y a pas de raison que ça soit la même chose, mais cette sorte de tradition à la fois de participation directe, de, pourquoi pas des élus, mais ce sont, pour employer les mots de l'époque, c'est les commis du peuple, c'est les serviteurs du peuple. Et ça ne doit pas être le contraire. Et cette vision qu'au fond, ce qu'on vise avec le mot République démocratique sociale ou avec n'importe quel autre mot, ce qu'on vise, c'est quelque chose de substantiel, c'est l'émancipation. Ce n'est pas juste un changement de nom de titulaire du pouvoir. Cette idée-là, elle continue de fonctionner, elle ne cesse de faire résurgence, et ça nous donne évidemment, pour ceux et celles qui veulent en hériter, une sorte de tradition possible à revivifier et à réopposer à l'État qui a hérité de cette République démocratique modérée. Voilà.